Schließen veut dire fermer. Schließen s'écrit S-C-H-L-I-E-S-Z-E-N. Schließen. Et der Schlüssel, c'est la clé, l'outil qui ferme. Donc, mit dem Schlüssel schließen, c'est fermer à clé, littéralement fermer avec la clé. Le préfixe zu signifie fermer, bien fermer. Zu schließen veut donc dire fermer à clé, enfermer. Zu schließen. Donc, on emploie die Tür schließen pour dire fermer la porte, mais si on veut dire fermer la porte à clé, que dira-t-on? Die Tür zu schließen. Tür. Die Tür. Oui, die Tür zu schließen signifie bien fermer la porte à clé. Vous pouvez aussi utiliser zu machen. Die Tür zu machen. Machen comme tun veut dire faire. Et zu machen, c'est faire que ce soit fermé, donc fermer. Zu machen. Mais si zu machen veut dire fermer, que signifie aufmachen? Ouvrir. Oui, donc ouvrir la porte, die Tür, aufmachen. À vous, comment dit-on ouvrir la porte? Die Tür aufmachen. Die Tür aufmachen. Et la fenêtre se dit das Fenster. Fenster, ça s'écrit F-E-N-S-T-E-R. Et ça ressemble beaucoup à l'ancien français fenestre, qui a donné fenêtre en français moderne. J'ouvre la fenêtre se dit je fais la fenêtre ouverte et ich aufmache? Non. Aufmachen, c'est ouvrir, mais pensez aux particules séparables. Je n'ai pas dit aufmachen, mais aufmachen. Donc, j'ouvre la fenêtre. Ich mache. Ich mache. Das Fenster. Das Fenster. Auf. Bien. Ich mache das Fenster auf. Bien sûr, pour éviter d'avoir des doutes sur les particules séparables ou non, vous pouvez utiliser un verbe porte-manteau. Par exemple, ich werde das Fenster aufmachen. Je vais ouvrir la fenêtre. Si vous utilisez un verbe porte-manteau, vous gardez intact l'infinitif aufmachen. Au présent, en revanche, il faut pouvoir décider si la particule se détache ou pas. Ich mache das Fenster auf. Ici, la particule se sépare du reste du verbe. Comment diriez-vous « je ferme la porte »? Je fais la porte fermée. Ich mache die Tür zu. Ich mache die Tür zu. Donc, schließen, c'est fermer à clé. Schloss, das Schloss, signifie le château. Mais das Schloss, c'est aussi la serrure. Donc, d'un côté le château, de l'autre la serrure, das Schloss. Dans les deux cas, des choses bien fermées. Comment diriez-vous « je vais l'enfermer » Ich werde es einschließen. Einschließen. Einschließen. Ich werde es einschließen. Ou ich werde es da reinschließen, pour avoir davantage l'idée d'un mouvement dans cette action d'enfermer quelque chose. Je vais l'enfermer. Ich werde es da reinschließen. Et comment diriez-vous « je vais le décadenasser »,« je vais l'ouvrir » Ich werde es aufschließen. Bien. Ich werde es aufschließen. Fermer, comme dans « la porte est fermée » ou « j'ai fermé la porte », se dit « geschlossen ». Geschlossen. Geschlossen. Par exemple, « la porte est fermée », « die Tür ist » geschlossen. Oui, Vous remarquez qu'il y a Schloss dans geschlossen. Die Tür ist geschlossen. Comment diriez-vous la fenêtre est fermée? Das Fenster ist geschlossen. Das Fenster ist geschlossen. Et le magasin est fermé. D'abord, comment diriez-vous occupé? Beschäftigt. Beschäftigt, oui. Et je vous avais dit que ça venait du mot Geschäft, magasin. Das Geschäft, qui a donné beschäftigt, occupé. Das Geschäft, c'est le magasin. Alors, comment diriez-vous le magasin est fermé? Das Geschäft? Das Geschäft ist geschlossen. Das Geschäft ist geschlossen. Tout est fermé aujourd'hui. En allemand, on dit tout est aujourd'hui fermé. Alles ist heute geschlossen. Alles ist heute geschlossen. Et pour dire il est enfermé. Il est enfermé à l'intérieur. Er ist dedans, à l'intérieur. Eingeschlossen. Eingeschlossen. Er ist eingeschlossen.